L'heure de retrouver François Morel, c'est à vous. En ce jour de Noël, une pensée pour l'abbé Leroy de Plestin-les-Grèves. Vous connaissez l'affaire qui fit grand bruit dans Landerneau, sa paroisse et au-delà, mais qui sembla peut-être un peu secondaire après les attentats du 13 novembre. Le père Leroy avait brisé une statue du Christ en s'exclamant « une de moins ». Le père Leroy avait pété les plombs, un Christ et une durite. Émotion à Plestin-les-Grèves, trouble dans les Côtes d'Armor, scandale dans le monde catholique. À l'évêché de Saint-Brieuc, branle-bas de combat. L'abbé Gérard Nicole, vicaire général du diocèse, fut furibard. On aime ou on n'aime pas le style sulpicien, mais ce n'est pas une raison pour casser le matériel. L'abbé Gérard Nicole a beau œuvrer dans le spirituel, il ne veut pas que le matériel soit dégradé. Que s'était-il passé dans l'âme meurtrie de l'abbé Leroy de Plestin-les-Grèves? Quelle mouche satanique l'avait piqué? Et comment allait réagir l'évêque de Saint-Brieuc, Denis Moutel? Allait-il faire preuve de charité chrétienne? Allait-il considérer qu'il existait ici comme ailleurs une hiérarchie délirante et que l'on arrivait au bout d'un système? Tout en haut de la pyramide, le luxe et la volupté. Tout en bas, les ouvriers de Dieu, les manœuvres du Christ, les soutiers de l'Éternel. Allait-il le comprendre, l'évêque Denis Moutel de Saint-Brieuc, ce moment de désarroi, d'agitation, d'énervement chez l'abbé Leroy de Plestin-les-Grèves? Le prêtre avait mis en avant ses difficiles conditions de travail. Dans le ministère qui est le nôtre, on est sollicité de toutes parts, on n'est pas beaucoup de prêtres. Il y a une certaine fatigue, de l'énervement, du stress. Qui s'intéresse vraiment aux conditions de travail des prêtres? Pourquoi n'existe-t-il pas une fédération de la CGT consacrée à la prêtrise? Pourquoi un syndicat ne se battrait-il pas pour que la vie des travailleurs spirituels soit un peu améliorée? Faisons, dès aujourd'hui, la liste des revendications ecclésiastiques. Recevoir un meilleur vin de messe. Obtenir des hosties sans gluten pour les prêtres allergiques. Pouvoir profiter de ces dimanches. Et quand ces serviteurs de Dieu pourront-ils récupérer des jours de RTT en échange de toutes ces messes de minuit qu'à partir de 19h, ils ont enchaînées sans rechigner, allant de ville en village, d'église en cathédrale, comme des intermittents du religieux, courant l'offrande comme un cachet? Allait-il admettre l'évêque Denis Moutel de Saint-Brieuc que la révolte de l'abbé Leroy de Plestin-les-Grèves est somme toute inoffensive? Certes, une statue du Christ a été brisée, mais la colère reste circonscrite. On n'a pas encore vu de prêtres en colère comme des salariés d'Air France arracher la chasuble du DRH de l'épiscopat. L'attentat perpétré contre la statue du Christ de Plestin-les-Grèves est pardonné. Chantons la réconciliation sur terre. Unissons tous les hommes de bonne volonté. Invitons à la table de la charité et de la miséricorde l'abbé Leroy de Plestin-les-Grèves. Joyeux, joyeux Noël à tous. Merci, frère François Morel, et très joyeuse fête à vous aussi.